Un petit homme souillé par la vie, jouant simplement avec un remords. Un autre petit homme sourit par la vie devant ce spectacle incompris. Une scène improbable où le fort attise le riche, une image impalpable où le riche devient pauvre. Le propre du réel, c'est de ne rien comprendre. Le plus moche du réel, c'est de tout entendre. Regardez-les, là est la vérité. Liberté, égalité. Les souliers cirés, les mains toutes ridées par le froid et la saleté.